feu en festivité. D'une passance dans la tête des fils de pute. Des fourrés comme Pistorius, toujours victorieux. Les Ottomans, on leur pisse dessus. À la Turquie pour les descendants de leur colonie. Je préconise la torture, le problème c'est les bougnoules. La cause c'est les youpins, ou médicalement parlant. Si l'islam c'est le sida, le judaïsme c'est le VIH. De Caribe dans Silla, pas besoin d'un dépistage. Bien sûr que la France est malade, Ragnarok ou Armageddon. Peu importe comment tu l'appelles. Si les forces du bien m'invoquent, je répondrai à l'appel. Avec leur volonté protocolaire et leur saïe anime, les Israélites vont finir par eux-mêmes provoquer l'option Samson. Genre de colère j'étais pas, mais si j'avais été, j'aurais gueulé comme tous les autres. Juifs, la France n'est pas à toi. Combattez-les jusqu'à ce que la religion soit à la seule. Ainsi parlait un fils de pute que certains prièrent pour un prophète. Le bien combat le mal depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui on se laisse envahir par les mahométans. L'éternel vomit les tièdes, je lui sers de glaive la tabac. C'est la marque de la bête. Je réponds à la violence par la violence. J'ai pas la patience du Christ, la loi du talion. C'est tout ce que j'ai retenu de la Bible. Les nègres du désert sont bons qu'à pratiquer le bachabasi. Et la vérité sur les juifs se trouve dans le Talmud non expurgé. Pour me relaxer, j'irai me baigner dans leur sang. Un aller simple pour l'enfer sera leur seule récompense. Venu pour mettre à mal l'alliance sacrée des circoncis. Entre les baiseurs des chèvres et les fils de Sion. On peut pas être à la fois musulman et être humain. Pas plus qu'au four et au moulin. De le fait qu'il n'y ait pas de meunier ou pain. Pour eux, je ferai don de mon sang. Si seulement j'étais hémophile, je vais les aider à faire leurs ablutions en mode waterboarding. Couper le souffle comme prendre une boisson dans le plastron. Ce son ça va être une tuerie comme quand le Bataclan fait sa comble. Mais Jim éclate mais pas autant que ça à la hape des slams. C'est du bon sens et non de la haine de détester l'islam. Religion de sale con, violeur et pédophile. Donne-moi un FNSK, je les transforme en simples statistiques. Ce n'est que justice quand les Saints niggas se font bombarder par les Yankees. Une manière de commémorer en souvenir d'invasion d'Andalousie. Faut bien qu'ils payent le prix du sang, les devs charmés. On va leur marcher sur la gueule, ça les forcera à réfléchir. Fini les amalgames, maintenant on passe aux exactions. 1488 FM, c'est pas le moment de changer de station. Tu me croyais au sommet de mon armée, ma haine n'est qu'en gestation. Les voir dans une fosse commune m'emplirait de satisfaction. Car les mahométans, c'est le diable qu'ils adorent. Faudrait tous les éradiquer de la surface du globe. Deus vult.